Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Nous n'avons pas les paroles qui méritent de le dire. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Et il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de vie loin de ta face. Tu es le chef de notre existence, l'univers entier le reconnaît. Tout genou fléchit devant toi, toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, tu es ma lumière et mon soutien, de qui aurais-je crainte? Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, merveilleux sauveur, l'ancien des jours, tu es avant l'existence, tu existes avant l'existence, c'est toi qui agendre l'existence, c'est toi qui as créé la matière, tu as été avant l'infini et tu seras après l'infini. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Qui est capable comme toi? Le Dieu infini, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant. Le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, viens dans ta gloire, viens dans ta gloire, dans cette assemblée, viens dans ta gloire, nos cœurs t'attendent, nos cœurs soupirent après toi, nos cœurs te cherchent, merci Seigneur. Oh, ta fidélité remplit la terre. Dès avant le commencement, tu étais là. Les problèmes des humains, c'est rien devant ta face. Tu supportes l'univers. Tu maintiens l'univers. Tu gères l'univers. Et tu fais ce que tu peux faire. Ton trône est établi dans les cieux, tu fais tout ce que tu veux. Et nous sommes bénéficiaires de ta gloire, de ta puissance et tes bienfaits. Merci Dieu, qu'à ton nom revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Nous nous levons ensemble. Essaye d'être debout pendant quelques temps. Quelqu'un essaie d'être debout, s'il vous plaît. Quelqu'un essaie d'acclamer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Prends ta Bible, on va faire quelque chose. Nous sommes debout, prends ta Bible. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Alléluia. Le premier verset, nous le lisons ensemble. 1, 2, 3. Comme une voix forte d'une foule nombreuse. Arrêtez d'abord là. J'entendis dans le ciel comme une voix. Comment? Forte. De quoi? D'une foule nombreuse. Est-ce qu'on peut essayer de faire du bruit d'une foule nombreuse? Essaye de faire du bruit. Que les gens qui sont dehors sentent qu'il y a une foule nombreuse ici. Il y a une foule nombreuse. Une foule nombreuse. Une foule nombreuse. Appelez vos yeux, une foule nombreuse. Une foule nombreuse. Regardez la suite. Regardez la suite. J'entendis dans le ciel une voix comme d'une foule nombreuse, comme ce qu'on vient de faire. Mais c'est encore très petit. Mais ce que nous venions de faire, c'était juste un bruit. Mais la voix dont l'apôtre Jean entendait avait un contenu. Cette foule, la voix de cette foule-là, il y avait des paroles dedans. Les suivants. Regardez ces paroles. Deux points. Que contenait cette foule, cette voix-là? Elle contenait ce qui suit. Deux points. On y va. Alléluia! Maintenant, suivez. Vous voyez, c'était ça qui se disait et qui produisait une forte voix comme d'une foule nombreuse. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance est à notre Dieu. Alléluia! Maintenant, ça devient un bruit d'une foule nombreuse. Si vous me captez, on peut essayer. Dieu attend cela. On veut offrir ça à Dieu ce matin. Une foule nombreuse. On peut y aller. 1, 2, 3. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Et à notre Dieu. Maintenant, regardez. Ça ne va pas être comme une foule nombreuse. Si tu ne le fais avec tout ton gosier. Enfin, si ça existe. J'écris à plein gosier. Alors, on va y aller séquentiellement, rangée par rangée et de manière suivie. Buona sifi, ouais. On commence ici. Quand vous finissez votre Alléluia, les autres prennent Alléluia, les autres Alléluia et vous continuez. Une voix comme d'une foule nombreuse que j'attendais dans le ciel. Les saluts à notre Dieu. La gloire est à notre Dieu. La puissance est à notre Dieu. On peut y aller. Alléluia. Alléluia. Apana, apana, apana. On y va. Alléluia. Le salut. Vous n'avez pas compris. On n'a pas compris. Quand nous on finit notre Alléluia, vous entrez dans Alléluia, les autres entrent dans Alléluia, les autres entrent dans Alléluia au fur et à mesure. Est-ce que ça marche? 1, 2, 3, de plein gosier. Alléluia! Les saluts! Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Yé-lé-lé. Que venir. Mais comment ça va être quand on sera là-dedans au ciel? Avec les myriades des myriades, les milliers des milliers dans la gloire. Pour quelle raison? Parce que sur la terre un jour, la grâce était descendue. Et je déclare ouvert le programme des grâces insondable 2019. Alléluia. À cause de la grâce, à cause des grâces infinies de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, les saluts, la gloire et la puissance sont venus jusqu'à nous. Dans cette semaine, les malades seront guéris. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les sourds vont entendre. Les cancers guériront. Les VIH, les maladies inconnues et connues vont rencontrer la puissance, la puissance, les saluts et la gloire du Dieu vivant, car il est venu au rendez-vous. Il est venu au rendez-vous. Le Dieu des cieux se prépare et il est là pour t'offrir ton salut. Il vient dans ses jugements pour juger tes ennemis. Il vient dans sa bonté pour t'accorder faveur. Il vient dans sa puissance pour accomplir cette chose que tu as attendue pendant longtemps. Il vient dans ses capacités pour accéder à tes demandes. Il vient dans son amour pour couvrir ton cœur de sa tendresse. Il vient dans sa sécurité pour te délivrer de la puissance des ténèbres et te faire asseoir dans la famille des élus, dans la famille des libérés, des grâces. Les grâces sont là. Les grâces sont déjà là. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame. Tu acclames pour recevoir. Tu acclames pour recevoir. Tu acclames pour recevoir. Tu acclames et tu reçois. Et que ces choses soient oui et amen dans ta vie. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, tu le verras s'accomplir. Quelqu'un dit un bon amen. Tu le verras s'accomplir. Je le dis de la part de l'Éternel. Tu le verras s'accomplir. Le Dieu des cieux ne ment pas. Le Dieu des cieux n'est pas un nom pour mentir. Ni est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Il a dit que c'est l'année des avancées irrésistibles. Et plusieurs sont en train de voir leurs ennemis fuir à leur approche. Plusieurs sont en train de vivre. Il y a des témoignages puissants qui gisent dans vos cœurs et qui sont entendus ici à l'estrade. Alléluia. Écoutez-moi un instant avant de vous asseoir. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait cette année. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, il est écrit. Car le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, lorsque je témoigne ce que Christ a fait, je prophétise. Pour quelqu'un qui est là, qui a besoin d'entendre ça, et quand il attend ça, sa prophétie arrive. L'accomplissement, la vie de cette personne arrive. Lorsque tu gardes le témoignage, tu gardes la prophétie de quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu caches ce que Christ a fait, tu empêches quelqu'un de vivre son miracle. Mais lorsque tu témoignes, tu prophétises que ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour quelqu'un. Qui sait qu'il a un témoignage et qu'il doit libérer avant la fin de l'année? Merci. Je vais inviter un couple. Venez, Joseph. Ils ont expérimenté cette parole. Ils vont nous parler pendant 2 minutes sur ça. Vous pouvez vous asseoir un instant. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas donner le gros du témoignage, mais je vais seulement aborder une petite facette de mon témoignage. Pendant qu'on attendait la promesse de Dieu, on a eu à expérimenter une grande chose par rapport au témoignage. Parce qu'il y a un jour, Maman Fatou est passée par ici, elle a témoigné de ce que Dieu a fait pour elle. Elle a dit qu'elle a fêté avant même d'avoir l'enfant. Et moi, j'ai saisi cette parole ce jour-là. Aujourd'hui, je salais entre mes mains. Et j'ai dit merci à Dieu parce qu'il fait des choses. Mais si peut-être la maman là n'avait pas témoigné, peut-être que je ne pouvais pas saisir cette opportunité. Bien-aimé, il y a un témoignage que tu gardes peut-être, mais ça peut déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai vécu ces choses. Raison pour laquelle je l'ai dit aujourd'hui. Merci. Amen. Je n'ai pas grand-chose à dire, papa, parce que c'est la grâce. Quand nous voyons là où Dieu nous a tirés, là où il nous amène, on peut dire que Nehematou, Nehematou. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et la Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang nous fait vaincre, mais le témoignage nous établit dans cette victoire. Que le Seigneur soit loué. Merci. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux mieux acclamer? Parce que tu as un témoignage de quelqu'un. Le témoignage de Maman Fatou a provoqué l'accomplissement. A provoqué le témoignage dans le couple Joseph. Hein? Tu veux témoigner? 1 minute. Amen. Hein? En fait, c'est ma première fois de me mettre ici. Mais ce que j'ai expérimenté aussi, c'est la première fois de l'expérimenter dans ma vie. En fait, hier, je revenais de Kigali, je suis parti d'abord à 11h et puis je suis revenu vers 17h30. Mais arrivé à route, il y a une pluie qui est tombée. Et comme c'est un chemin où il y a des montagnes, il y a eu toute une nuée qui rampait sur la terre jusqu'à ce que les chauffeurs ne voyaient plus le chemin. Nous avons fait une collision avec une voiture et puis... personne n'est mort, personne n'a été blessé sévèrement. Et je m'imaginais que si nous étions maintenant là où il y a une pente, notre véhicule serait déjà, disons, dans la rivière. Alors j'ai béni l'Éternel parce que c'est ma première fois d'expérimenter un accident comme ça. Mais ça n'a pas été grave, la voiture a été endommagée, notre véhicule a eu des problèmes. Nous sommes arrivés à 23h, j'ai béni Dieu. Amen. Et que des choses comme ça ne t'arrivent plus. Alléluia. Prenons la Bible et prenons notre texte de base. Exode chapitre 33, versets 12 à 23. Et puis Exode chapitre 34, versets 5 à 10. Vous l'allez ajouter aussi. Éphésiens. Chapitre 3, versets 14 à 21. Exode, chapitre 33. J'aimerais vous inviter à être debout pendant que nous lisons de manière solennelle ce texte. Ce texte va nous accompagner durant le 15 jours. Et j'espère que tu n'es pas déjà fatigué les premiers jours. Quelqu'un peut se lever et lire avec nous ce texte. Alléluia. Allons-y, 1, 2, 3. Moïse, nous lisons de tout notre cœur. Allons-y, 1, 2, 3. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc en certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sous la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. 34, verset 5. L'Éternel descendit. Vous tournez juste la page suivante. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. C'est par toi. Regarde le voisin, dis-lui. Dieu te parle. Dis-lui, Dieu te parle. Lorsque la gloire de Dieu viendra dans ta vie, c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Aïe, combien j'aimerais voir ces choses terribles. À partir de ce matin, il y a une chose terrible qui commence. Il y a une chose terrible qui commence, qui germe dans la vie de quelqu'un. Et tu le verras s'accomplir. Car quand Dieu prononce une parole, la Bible dit, la parole de l'Éternel est esprit et vie. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole est la vérité. La tsunamite dit, or je ne savais pas que les paroles de ta bouche sont vérité. Chaque fois que Dieu prononce une parole, mon frère, ma soeur, c'est qu'il est honnête. Il est authentique, il est vrai, il est sincère pour l'accomplir. Cessons de regarder Dieu comme un aventurier ou Dieu comme un infidèle. Dieu, il est fidèle. Et sa fidélité remplit la terre. Tu ne connaîtras jamais sur la terre et dans l'univers un personnage aussi fidèle que l'Éternel. On l'appelle l'ancien des jours. C'est-à-dire, avant que le jour soit, il était déjà ancien. Il s'appelle Je suis. C'est-à-dire, je suis au présent. Hier, c'était au présent. Aujourd'hui, c'est au présent et demain, c'est au présent. Il faut avoir des capacités pour être là au présent. Et il y a un seul qui peut parler comme ça, qui peut avoir l'audace de dire « Je suis ». Tu diras à mon peuple, celui qui s'appelle Je suis m'est apparu. Et il m'a dit de venir vous sortir de 430 ans d'esclavage. Qui est capable de ça? Celui qu'on appelle le fidèle de l'univers. Et c'est ce Dieu-là qui est au rendez-vous avec nous dans ses grâces insondables. As-tu une requête? As-tu un souci? As-tu un combat? As-tu une préoccupation? On l'appelle Jésus. Et il est déjà là, au présent, ce matin, pour rencontrer quelqu'un. Tu peux lever la main et prier avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, me voici tel que je suis. Je viens dans ce programme de grâce et sondage, comme je suis. Avec mes peines, avec mes larmes, avec mon humiliation, avec mes souffrances, avec ma maladie, avec mes soucis, je viens comme tu me vois. Yahweh Dieu, tel que je suis, je viens plonger dans les grâces insondables, comme à la piscine de Bethesda, où tu venais pour animer l'eau, où tu venais pour agiter l'eau. Et la vie était dedans. Mais voici également, je viens me plonger au milieu de ta grâce. Je viens me plonger dans les bains de ta grâce. Rencontre mon cas dans sa totalité. Parle de ce cas, parle de ce cas. Vas-y, vas-y, parle de ce cas. Rencontre mon cas. Vas-y, dis-lui ton cas. Avant que ce programme se termine, que ton cas soit concerné. Avant que ce programme finisse, ton cas sera concerné. ton cas sera rencontré. Avant que ce programme s'achève, ce cas sera concerné. Il y a de la place ici devant, s'il vous plaît. Le cas de quelqu'un en train d'être concerné. Ton cas est en train d'être rencontré. Si tu sais parler, parle à Dieu. Tu as trop parlé dehors. Tu as trop parlé en murmurant auprès de quelqu'un. C'est le temps de parler devant le trône. Car le Dieu de grâce est au rendez-vous. Les dieux de grâce et sondables. Les dieux de miséricorde. Tu es puissant, plus que ce qu'on dit de toi, vraiment grand, que le monde dictionnaire. Tu es puissant, tout ce que tu fais est à ta taille, mon élève. crois que Dieu t'a écouté, acclame-le. Il t'a écouté. Alléluia. Les saluts, la gloire. Est-ce qu'on peut le dire sincèrement? Alléluia. Les saluts, la gloire et la puissance et à notre Dieu encore plus fort. Alléluia. Et salut, la puissance, la gloire et à notre Dieu encore une fois. Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Nous asseyons devant le Seigneur. Je ne connais pas le cas pour lequel tu es ici dans ce programme de grâce et sondage. La réalité est que au moins 5 catégories de personnes sont rassemblées ici. Les uns, ils ont eu une année des avancées irrésistibles, puissantes. Ils ont fait des pas de géants durant cette année. Ils ont fait de grandes expériences avec Dieu. Ils ont progressé avec l'Éternel. Ils ont rencontré des résistances, mais les résistances ont cédé. L'Esprit te dit, même à ta vieillesse, je serai le même. Tu as expérimenté Dieu, mais Dieu te dit, ce n'est que le commencement. Nous avançons et nous avancerons toute notre vie. Et il ne faut pas que quelqu'un nous résiste. Et même quand nous rencontrerions des résistances, il faut que ces résistances cèdent. Et Dieu a commencé cela avec quelqu'un cette année qui a vu des résistances céder dans sa vie durant cette année. Lève bien la main. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Et Dieu te dit, je n'ai pas fini avec toi. Je veux encore agir. Je veux encore faire. Je veux encore réaliser. Et tu verras au-delà, infiniment, des choses que tu n'as pas encore vues. La deuxième catégorie de personnes, c'est des frères et des sœurs qui, eux, se disent, pasteur, j'ai cru à la parole, j'ai cru à la promesse de l'année, mais j'ai l'impression que pour moi, il y a des résistances de toutes parts. Tout me résiste, je n'ose pas avancer, je n'ose pas faire un pas. Laisse-moi te dire, de la part du Seigneur, que le Dieu vivant, qui a dit qu'il t'offrait une année des avancées irrésistibles, n'a pas échoué. Il est en contrôle. Et il est encore suffisamment puissant pour déjouer, pour déboulonner, pour libérer le passage. Qu'importe la méchanceté des hommes ou la méchanceté des démons, ou de Satan lui-même. Certains disent, Marayo Mie, Satan y est moyen, Djalikouya. N'est-ce pas? Ni Satan Mouzima. Écoutez, au-dessus du Satan Mouzima, il y a celui qu'on appelle Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Regardez ceci. Allez dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Alléluia. Et kumbe mungu kwako Bwana. Verset 14. Les dieux que toi tu n'as pas vus, les dieux que tu penses que tu n'as pas vus, et pourtant les dieux vrais, les dieux réels, c'est lui qui existe par lui-même. On peut aller ensemble. Verset 14. 1, 2, 3. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés, virgule, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Les élus, les appelés, les fidèles qui sont avec le roi des rois. Qui sont avec le Seigneur des seigneurs. Les vaincront aussi. Ka usiki kwa butamu. Muna kasikia. Unajisikia. C'est-à-dire si je suis un élu, si je suis un fidèle, si je suis un appelé de Dieu, et que j'ai l'impression que je n'ai pas connu des avancées irrésistibles, Dieu me dit ce matin, dans ses grâces insondables, tu le vaincras aussi. J'aimerais entendre le aussi de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire, je le vaincrai aussi. Maintenant, regardez la comparaison. La comparaison s'est faite entre moi et qui? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Autrement dit, de la même manière que le roi des rois a vaincu, de la même manière que le Seigneur des seigneurs a vaincu, je le vaincrai aussi. Si le roi a vaincu à 90%, je vaincrai à 90%. Je le vaincrai aussi. Oh Dieu, tu n'as rien fait pour moi. Oh Dieu, tu vois, moi j'attendais le mariage cette année. Je n'ai pas pu me marier. Il n'y a même pas un frère qui me dit bonjour. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Si le Seigneur des Seigneurs à Golgotha a osé prononcer une phrase, tout est accompli. Donc, il a vaincu. Quoi? Le célibat. Comme il a vaincu, je le vaincrai aussi. Non, aussi na kuingiza ndani. Et si on peut le dire comme je le fais, je le vaincrai aussi. Est-ce que tu peux essayer? Tu peux le dire trois fois, je le vaincrai aussi, je le vaincrai aussi, je le vaincrai. Allez-y, allez-y, allez-y. Je le vaincrai. Dis-le jusqu'à ce que tu sois convaincu. Je le vaincrai aussi. Le diable se moque de toi, ça fait longtemps. Il t'a criblé, il t'a roulé par terre. Maintenant, Dieu te dit, toi aussi, tu le vaincras aussi. Moi aussi, je le vaincrai aussi. Je le vaincrai aussi. Mais regardez ce texte, il dit, ceux qui sont avec lui. Est-ce que tu es avec le Seigneur des seigneurs? Ceux qui sont avec lui. Les vaincront. Aussi, il est le Seigneur des seigneurs. Les choses semblent rouges dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Tu es désespéré et tu penses que c'est fini. Dieu t'annonce que dans ses grâces insondables, tu vaincras aussi. Autrement dit, j'aurai aussi mon témoignage. Si les autres sont passés pour dire, j'ai mon Salem. Maman Justine a dit ça, ici. J'ai écouté une prophétie de ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un. J'ai attrapé ça. Et j'ai eu moi aussi mon témoignage et mon bébé. J'ai aussi mon bébé. J'ai eu aussi mon bébé. Je le vaincrai aussi. Je vois les autres se marier. 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages, 24 mariages. Qu'est-ce que se passe dans mon cœur? Je me marierai aussi. Tout dépend de ce qui se passe avec toi dans ton cœur. Nous sommes bourrés d'incrédulité. Nous sommes bourrés de pensées négatives. Nous sommes bourrés de désespoir qui sont activés par les démons, qui sont activés par le diable. Mais je t'annonce ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit, vous ai-je demandé de me prier en vain? Connaissez-vous ce Dieu qui dit aux êtres humains, venez, priez-moi en vain? Vous le connaissez? Ce genre de Dieu n'est pas ici. Il n'est pas ici. Le Dieu de cette maison s'appelle le Dieu de l'Alliance. Et il respecte son alliance. Et l'Esprit te dit, parle comme Habacuc. J'ai saisi la prophétie. Je l'attends. Si elle traîne, je l'attends. Il a dit, écris la prophétie. Mets même ça sur les murs pour te rappeler chaque fois. Si elle traîne, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Merci Seigneur pour mes avancées irrésistibles. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour tes avancées irrésistibles? Même que tu n'as pas encore vu. Tu peux lui dire merci? Merci Seigneur pour mes avancées irrésistibles. Si 2019 finit, 2020 me fera voir les avancées irrésistibles. Mais j'ai encore l'avantage de 30 jours ou de 31 jours. Nous sommes les premiers aujourd'hui. La Bible dit, une nation peut-elle naître en un jour? Et l'homme de Dieu répond et dit oui. Il ne nous reste pas un jour, il nous reste 30 jours. Beaucoup de choses peuvent se passer dans 30 jours. J'ai suivi un témoignage d'une dame suffisamment âgée. Elle est allée voir le pasteur. Elle a dit, je veux me marier. Le pasteur ne croyait pas ses yeux. Il dit, mais si moi, Mouchakoma, là, si moi, tu es ma toto. En fait, ce qu'il pouvait se dire dans son cœur. Parce qu'elle avait 49 ans. Elle a dit, je crois. Et le pasteur a prié. C'était autour de novembre. Le même mois, elle a eu un fiancé. Et le mois suivant, elle s'est mariée. Et l'année suivante, elle a mis au monde. Dieu veut frapper quelqu'un avec un exaucement. Ha! Il est le même! Hier, aujourd'hui, éternellement, elle a engendré, elle a mis au monde à quel âge? 50 ans. Elle se marie, ménopause ilishakuwako. Aina shida. Ménopause ou pas ménopause, si Dieu me dit que je vais me marier, je crois. Et si la promesse traîne, je l'attends. Je l'attends. Parce qu'elle va s'accomplir pour moi aussi. Je vais témoigner moi aussi. Merci pour les témoignages de vous autres. Attendez mon témoignage aussi. Quelqu'un voudrait dire à deux voisins, attends mon témoignage. Dis-le, dis-le. Ça dépend de quel domaine. Peut-être c'est dans le domaine des affaires. C'est peut-être que tu veux acheter un avion. Attendez mon témoignage. Attendez mon témoignage. Je le verrai aussi. Et il dit, mes yeux le verront, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mes propres yeux verront, mes propres yeux palperont ce que Dieu fera. Car il se levera et il agira pour moi aussi. Pour moi aussi. On a ce qu'il y a. On a ce qu'il y a à Abel. Mungu anatendea bengine. Pour moi aussi. L'environnement économique est compliqué, d'accord. Mais comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois a vaincu, moi aussi, je vaincrai. Moi aussi. Le ministère est devenu difficile. Les choses n'avancent pas. L'église n'avance pas. Comme Jésus a vaincu. Et il a dit avec arrogance, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni le séjour des morts. Je ne sais pas si Jésus était en train de bouger le cou comme ça. Ni la mort, ni le séjour des morts. Ne prévaudront point contre l'église. Je bâtirai mon église. Il a vaincu pour son église. Je vaincrai aussi dans mon ministère. Les sorciers se sont ligués. L'occultisme s'est levé. D'accord. Levez-vous. Liguez-vous. Allez chercher même les sorciers des autres pays. Faites une bonne ligue. Je sais une chose. Comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois a vaincu. Il n'a pas vaincu à Goma. Il n'a pas vaincu à Jérusalem. Il a vaincu dans tout l'univers. Donc, ce que vous allez rassembler, les armées que vous allez, Kusanya, savent que mon Dieu les a vaincus. Amenez-les. Ils viennent avec l'information que celui que l'on appelle Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, les a vaincus. Or, moi qui suis avec lui, je les vaincrai aussi. Et Jésus dit aux apôtres, prenez courage, vous aurez des tribulations sur la terre. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ah, tu as vaincu le monde, d'accord, donc moi, je vaincrai aussi. Si tu es sûr, frère, que tu es concerné par cette victoire, tu vaincras aussi. Aussi. Et Dieu ne fait accession de personne. Les paroles qui sortent de sa bouche sont oui et amen. La puissance est Dieu Et oui et amen. Les grâces de Dieu sont disponibles à tous les êtres humains dans tous les pays et tous les continents. Et à tout moment, la nuit et le jour, même ceux qui sont sous la mer, la grâce est disponible. Et c'est ce Dieu qui marche avec nous dans ce programme. Ne t'étonne pas d'être surpris que la maladie que tu avais a disparu sans que tu le saches. Tu diras à cette maladie, « Bon, on a un anahunelage. » Tu es parti sans m'informer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la maladie dira, « Le Dieu de gloire est venu là-dedans. Je ne pouvais pas supporter. Ça faisait déjà chaud. J'avais chaud. Et j'ai eu peur. Je ne pouvais pas tenir. Je suis parti sans t'aviser. » Que la maladie qui est dans ton corps parte sans t'aviser. Au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'à partir de ce matin, tu vives ton miracle. Déjà maintenant. Par la vertu de sa force, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, vous allez prendre les supports pour le premier culte. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous amène comme ça. Laisse-moi aller rapidement, on va rentrer en profondeur à partir de demain. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Moïse, c'est un homme qui a vu Dieu dans son expérience depuis son enfance. Pour subsister, c'est un miracle. Il est gardé par les ennemis qui tuent Israël. Il est élevé par la fille du Pharaon au palais royal. Il grandit, mais un jour, Hébreux chapitre 11, verset 23, 24 et suivant, il dit, je ne supporte pas de rester dans la jouissance du péché ici. Je m'en vais. Tu vas où, Moïse? Je vais souffrir avec les esclaves. Ah. Mais Moïse, ta vie est enviée par tous. Aucun jeune de notre génération ne pourra éviter ce que tu as vécu. Et Moïse a dit, non, non, non. Je refuse de continuer à jouir du péché. Est-ce qu'on mangeait le péché au palais? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains environnements qui adoptent le péché comme mode de vie. Et tu es dans cet environnement-là. Tu as besoin de prendre conscience comme Moïse et dire, je préfère aller souffrir loin du péché que de continuer dans ce train-train de mensonges, de péchés, de détournements, de méchanceté. Tu travailles dans quelque chose où on tue les gens et tu jouis des résultats. Plus on tue, plus il y a des bénéfices. Moïse dit, je ne supporte pas de continuer à jouir des résultats du péché, d'une vie de péché, ici au palais royal. Je m'en vais. Et il part, il est au désert. 40 ans de vie minable, 40 ans de peine. Moïse, quelle décision tu as pris? Il dit, j'ai préféré partir. J'ai préféré partir. Alléluia. Quelqu'un doit dire ce matin, je préfère partir. Je préfère partir. Pourquoi tu pars, Moïse? J'ai compris que Dieu a plus que ce que j'ai déjà vécu. Et quand il est choisi pour sortir Israël de l'Égypte, Moïse, il voit des miracles, les 10 plaies. Moïse est devenu Dieu pour Pharaon. et Aaron son prophète. Les choses sont terribles. Déjà, les choses sont terribles avec Moïse. Moïse terrorise une nation. Au point que les derniers jours, Moïse dit aux Juifs, allez chez les voisins, prenez les bijoux, prenez l'or, prenez les choses précieuses, prenez l'argent. Et ils sont partis chez les voisins. Ils ont dit, Rapidement, prenez, partez. Ils sont partis. Quelle puissance, quelle gloire, quel Dieu. Et ils arrivent devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton et fends la mer. Et paf, la mer est fendue. Gloire. Ils sortent la mer. Ils traversent. Ils tournent derrière. Pharaon et son armée nagent morts avec les chars. Quelle gloire. Moïse, quel genre de Dieu tu as? J'ai le Dieu que j'ai découvert. Quand j'ai grandi, j'étais encore chez les pharaons, mais j'ai compris que je devais quitter ce milieu-là. Il y avait mieux que ça. Il y avait mieux que la royauté. Vous savez, il y a des gens ici qui adorent la royauté. Si je peux devenir roi, si je peux devenir chef de l'État, c'est bien. Si tu as un bon cœur pour faire du bien. Mais même quand tu le deviendrais, que tu seras en train de faire du bien, laisse-moi t'annoncer que Dieu a mieux que ça. Dieu a infiniment de choses incroyables que tu ne pourras penser. Dieu a des choses qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un à partir de maintenant que tu ne pourras mesurer des choses. Moïse a compris cela. C'est ainsi que nous avons lu dans Exode 33, Moïse, qui a déjà vécu tout ça, revient et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hein? Moïse, tu es malade, quoi. Tu veux quelle gloire encore? Je t'ai fait tout voir, Moïse. Mais j'aime l'empressement de Dieu. On dirait Dieu était en train de se tenir derrière le rideau pour dire, mais Moïse, comprends vite, quoi. Comprends, j'ai des choses ici. Tu as beaucoup vécu, Moïse, fais vite, comprends, prends conscience vite. Et quand Moïse ose comprendre, Moïse ose prononcer juste la phrase au verset 18, une courte phrase, fais-moi voir ta gloire. Dieu n'est pas loin. Verset 19. Tout de suite, Dieu intervient et dit, il dit quoi? Je ferai ça. Ah bon? On dirait que tu n'attendais que moi. Oui, laisse-moi te dire, mon frère, Dieu n'attend que toi. Souvent, quand nous prions, nous avons l'impression que Dieu est très loin. Dieu est tellement éloigné. Laisse-moi t'annoncer que Dieu est fébrile, comme derrière un rideau. Il te chuchote même pour des soucis. Comprends vite, non? Mais l'homme a la tête dure. L'homme a le cou roide. Il a difficile à comprendre vite, à découvrir à temps ce que Dieu attend. Mais dès le temps où l'homme découvre, où l'homme comprend, Dieu dit tout de suite, mais voici. Mais voici, regardez verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais. Bon, nous n'avons rien bien bien au mungu. Je te dis, mais fais-moi voir ta gloire. Regarde comment il parle. Vite, vite. Il n'attendait que ça. Moïse, tu as beaucoup vu, oui. Mais je suis le Dieu infini. Ce que tu as vu, Moïse, tout ce qui étonne les nations, c'est un petit rien par rapport à ce que je suis capable de faire encore pour toi. Et c'est ça le thème de nos deux semaines. Attire Dieu et sa gloire dans ta vie. Demande à Dieu de revenir avec sa gloire. Quelqu'un voudrait prier ce matin, dit Seigneur, je viens comme Moïse. Lève-nous, s'il vous plaît. Je viens comme Moïse. Je veux ta gloire, Seigneur. Je demande ta gloire, Seigneur. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le temps. C'est le chemin obligé. Je veux ta gloire. J'ai déjà beaucoup vécu avec toi. Tu m'as fait beaucoup de bien. Regarde, je roule carrosse. C'est toi qui as fait. J'ai acheté 5 parcelles, j'ai 10 maisons. C'est toi qui as fait ça. J'ai des champs et des fermes. C'est toi qui as fait. J'ai été délivré. C'est toi qui as fait. Les sorciers mangeaient mes affaires chaque année. Ils n'ont plus mangé. C'est toi qui as fait. Mais Seigneur, je veux encore plus. Tu en as encore. Tu as encore quelque chose à me donner. J'attends, Seigneur. Lève nos mains, s'il vous plaît. Et quelqu'un commence à parler à Dieu. Et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis avec moi, s'il te plaît. Père céleste, ce matin, j'ai compris. J'ai vécu des choses avec toi. Tu as beaucoup fait avec moi. Mais ce matin, j'ai pris conscience que tu as infiniment au-delà de ce que tu m'as déjà donné. Tes stocks sont pleins. Tes dépôts sont remplis. Tu ne manques pas les choses que je te demande. Tu es infini, infiniment grand, infiniment puissant. Tes provisions sont disponibles. Mon héritage est disponible. Et le degré que j'ai vécu est encore infime par rapport à ce que tu es capable de faire. C'est pourquoi ce matin, est-ce que tu peux le dire avec courage et foi? C'est pourquoi ce matin, je me lève devant toi et je lève mes mains devant toi et je te dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi vivre ta gloire. Que ta gloire revienne dans ma vie. Je veux te vivre. Je veux vivre l'infini que tu détiens. Je veux vivre les miracles, les prodiges, les signes dont tu as parlé dans la parole. Et tu as dit que ces signes vont m'accompagner. À partir d'aujourd'hui, viens dans ta gloire dans ma vie et fais-moi vivre ces choses. Alors dis ça en détail toi-même. Dis en détail. Quelqu'un languit après Dieu. Mon cœur languit après toi, Seigneur. Il y a des choses que tu n'avais pas encore faites. Mais je perçois qu'il y a plein de choses que tu voudrais me voir. Il y a plein de choses contenues dans ton être. Oh Dieu! Fais-moi voir ta gloire. Nigusetena. Nigusetena. Nina omba baba Unigusse tena Nigusse tena Nigusse tena Nina omba baba Unigusse Nikuse, Nikuse, Unikuse tena, Nikuse, Nikuse, Nikuse. Seigneur, merci parce que tu nous touches. Merci car ta main nous touche. À partir de ce matin, ne retire pas ta main sur moi, Seigneur. Touche-moi et reste me toucher. Touche-moi en permanence. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que tu viennes dans ta gloire, dans ma vie. Que je voie ta gloire. Que je vive ta gloire. Durant ces grâces et sondages, merci Seigneur pour ta puissance et ta fidélité. Fais-les à cause de ton grand nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. J'aimerais